le réchauffer. Ah, j'ai frappé un nœud, là. Comme j'ai de mes amis, moi, qui est déjà mort comme ça, il faisait la planche. Il était attaqué par un poisson aussi. Ça, c'était la réponse à la quatrième question. On peut l'enlever, d'abord. Que faire avec une planche, là? Et Brian. Brian Mulroney a commencé à faire de la plongée sous-marine. Je suis content. Il faut y en a qui se nouent. Ouais, vas-y, là. Daniel. Reste là. C'est moi. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il des personnes qui empruntent pour venir aux conférences, au PMC, au Super Genesis, aux achats de cassettes et même tes livres que tu écris? Cela crée un énorme problème. Mais on ne sait pas lequel. Il y a des personnes qui empruntent, c'est parce qu'ils ont besoin de ça, j'imagine, pour arriver à comprendre des choses. C'est toujours un problème. C'est évident qu'il y a des individus qui vont emprunter pour n'importe quoi. Il y en a qui empruntent pour acheter une automobile. Imaginez-vous les problèmes que ça cause. Hein? C'est pas à cause que c'est moi qui est au bout de la ligne qu'on emprunte pour acheter les choses que je fais. Pourquoi il y a des individus qui empruntent? C'est parce qu'il y a des individus qui ont des besoins. Hein? Et puis que leur éducation ou les systèmes sociaux ne sont pas encore orchestrés pour répondre aux besoins des individus. Il y a des psychologues qui se demandent à un moment donné comment ça fait que les gens vont voir les centres de thérapie naturelle. Ben, c'est parce que la société ne répond pas à leurs besoins. C'est pas parce que ces gens-là se font fourrer. C'est parce que les psychologues ne sont pas tous à la hauteur. C'est parce que les médecins ne sont pas tous à la hauteur. C'est parce que tout le monde n'est pas tous à la hauteur. Évidemment, les médecines naturelles, pourquoi ils n'ont pas tout le monde? Parce qu'ils ne sont pas à la hauteur non plus au complet. Bon, il y a des gens qui empruntent parce qu'ils ont des besoins, c'est fini là. La personne, ce qu'elle devrait dire simplement, c'est que je vis peut-être avec quelqu'un qui emprunte sans arrêt, puis moi, ça me dérange bien gros. Bon, peut-être. Ou encore, ça la touche de voir une personne qui semble avoir des problématiques. Mais il y a des individus qui se mettent dans le trou pour se droguer, il y en a qui se mettent dans le trou pour s'instruire, il y en a qui vont à l'école. Les étudiants empruntent pour aller à l'école. C'est pas correct socialement, peut-être dans certains cas, on pourrait revoir si l'étudiant serait conscientisé différemment, on serait peut-être mieux de ne pas lui prêter, mais de s'arranger pour qu'il fasse ses études. Mais en attendant, il y en a plusieurs qui s'endettent à finir. Alors, c'est pas... Pourquoi il y a des gens qui font ça? C'est parce qu'il y a des besoins qui ne sont pas comblés, puis les personnes s'arrangent pour aller chercher ce qu'ils ont besoin. C'est tout. Comment se défaire de la possession? Ah ben là, on va mettre ça juste à côté, là. On va passer les autres, ça va être long un petit peu. Krishnamurti a dit, « Je ne serai pas le pape des pigeons. C'était un être christique. Tu l'es aussi jusqu'à preuve du contraire. Qu'attends-tu pour dire, je ne serai pas le roi telet des aristocrates? » C'est pas parce que Krishnamurti est entouré de pigeons que tous les individus qui parlent sont entourés de pigeons. Bon, Krishnamurti n'avait pas la capacité psychologique de supporter un ensemble de disciples. Moi, je suis capable d'inhiber les gens, donc des disciples, il y en aura toujours. Il y en a qui sont disciples de Robert Bourassa, il y en a qui sont disciples du pape, il y en a qui sont disciples de leur patron, il y en a qui sont disciples d'autres. Sauf que j'ai la différence de Jiddu Krishnamurti, c'est que moi, je suis entouré de plusieurs amis. Lui, il n'avait pas d'amis. Il avait un ami, son frère, qui est mort, assez jeune. Il n'y a pas d'amis, Krishnamurti. Il n'y avait que des disciples. Moi, j'ai probablement beaucoup plus d'amis que la majorité des individus. Oh non. Et quand je parle d'amis, j'ai des amis qui sont des vrais amis. Pas des compagnons, des copains, des connaissances. Puis il y a eu des situations, ce qu'on a pu expérimenter, voir. On sait, un ami, on peut le définir, là. Quand ça va mal, qu'est-ce qui se passe? Quand ça va mal, là, il se passe qu'il y a des gens qui sont carrément là pour te soutenir. Pas psychologiquement, là. Il y en a qui peuvent aller loin en maudit pour soutenir quelqu'un. Alors, il y a une grosse différence. Moi, je ne vois pas le problème d'être entouré avec d'individus. Il y en a évidemment qui ont psychologiquement, bon, ils suivent un peu, mais c'est correct. J'aime autant qu'ils me suivent moi que d'aller suivre un drogué. Et puis, ils peuvent suivre n'importe qui. Du moment que ça leur permet d'améliorer leur condition de vie. Et puis, à un moment donné, ces personnes-là se rapprochent un peu. Et puis, à un moment donné, ces personnes-là commencent à se désinhiber. Parce que les libérés, je te l'apprends pas ça, mais les personnes commencent à se désinhiber, donc ils restent intelligentes, et puis progressivement, on finit par être amis. On commence par être des connaissances, après ça, lentement, on vient, et puis c'est comme ça. Alors, moi, je n'ai vraiment aucun problème de travailler avec 100, 150 personnes, 200 personnes, 300 personnes. L'humain doit comprendre que si on veut, à un moment donné, parvenir à se libérer de certains carcans et de certains cadres, c'est pas en fuyant tout le monde, puis en essayant de fuir tous les carcans traditionnels. Les maîtres ont toujours eu des disciples. Ben oui, Aristote en a eu des disciples. Hein? Archimède en avait. Léonard de Vinci en avait. Michel-Ange en avait. Le pape en a eu. Napoléon a eu des disciples. George Bush a eu des disciples. Il y en a là-dedans qui ont transformé les sociétés et transformé la face de la planète d'une façon extrêmement intéressante. C'est pas des disciples. Il y en a qui deviennent des amis. La majorité des personnages qui vont jaser n'ont pas d'amis. ne savent pas comment se faire des amis. Moi, j'ai plein d'amis. Et puis, je ne vois pas de problématique à être comme la personne a dit. C'est absolument pas ça que c'est. Je ne suis pas le roi télé des aristocrates. Comprenez que quand je rencontre une personne qui sait des choses que je ne sais pas à un certain niveau, c'est mon roi télé. Puis si on est amis, c'est mon ami. Je le respecte pour ce qu'il est. Puis quand c'est lui qui passe, parce que c'est lui qui passe, c'est lui qui passe. Moi, je n'ai rien à faire. Juste la vie est belle. Puis c'est la même chose. Si c'est moi qui peux aider ou qui peut servir, ben, c'est moi qui passe. C'est bien, c'est logique. Il n'y a pas de problème. Il y a des personnes qui souffrent encore énormément de médiocratie, mais des personnes qui réincarnent des principes où, à un moment donné, elles ont énormément ramassé des gens. Puis là, ce qu'elles vivent par projection, c'est ça. Des personnes qui posent des questions, là, une entre autres qui pose des questions depuis une semaine ou deux, qui vit simplement la peur de revivre ou de. Elle a l'impression de reconnaître des choses qu'elle a déjà vécues, alors qu'elle ne connaît rien du tout. C'est comme une personne qui a toujours été riche, puis les riches ont toujours été alcooliques dans sa famille, ça se chicanait, ça se disputait, les héritages, ça fractionnait la famille. Là, à un moment donné, quand elle voit plus tard des gens qui commencent à faire de l'argent, bien, elle compte le matérialiste, elle compte les capitalistes, elle ne comprend pas ce monde-là. Ah oui, mais il suffit d'avoir de l'argent et rester ce qu'on est. Pas besoin de faire comme les autres. Il y en a du monde qui ont de l'argent et qui sont heureux. Bon, on va dire, oui, mais la majorité des riches sont pas heureux. Non, la majorité des pauvres non plus. Tu sais, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'humain. Bon, alors c'est pas un... Le décès d'un enfant fait-il partie de l'initiation solaire? Le décès de l'enfant, ça fait partie de son plan de vie à lui. Ça ne fait pas partie de ce que nous, on a à apprendre. On peut apprendre à travers ça. Chose qui est évidente, ça ne fait pas partie de l'initiation solaire, c'est une mécanique à part. Les enfants, ils en meurent quotidiennement, les adultes aussi, puis ça ne fait pas partie du plan de vie de l'individu. Souvent, l'humain, de par sa conscience nombritique, a tendance à rapatrier l'information des événements en fonction de sa vie. Il y a des personnes qui me disent, moi, là, quand un avion passe entre moi et 11h12, là, c'est parce que c'est bon, j'ai bien le tri. Imaginez le gars autour de Dorval qui est là, qui se dit, non, attendez un peu, le gars, il va sortir de son balcon dans 3 minutes. Là, non, vous n'avez pas l'autorisation de décoller. Non. Recule de 1000 pieds, tout le temps. Ah, vous n'avez pas l'autorisation de décoller. Puis là, quand ça va décoller, vous allez suivre telle ligne, parce qu'il faut que l'avion passe quand le gars va sortir de son balcon pour lui dire qu'il fait des billets de loterie. Un enfant qui meurt, c'est pas de notre ressort. Ça nous touche, ça va nous toucher émotivement, c'est évident. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un enfant ne meurt pas pour t'initier. Tu peux être initié par l'événement. Je reviens encore là-dessus. Quand un courseur, une personne qui fait de la course passe en campagne, sur le bord d'un chemin de terre, puis il n'y a plus là, un petit bout de temps, là, il y a une grenouille qui est sortie de son marécage et qui s'est perdue, puis est en train de sécher sur le bord de la route. Le gars, il passe en courant, puis il met le pied dans une flaque d'eau. Pouf, puis arrose la grenouille, puis il continue. Elle vient de voir un dieu qui vient de passer par là pour la sauver. Si le gars était un pied à côté, il l'aurait tué, la grenouille. Il l'aurait écrasé. Mécaniquement, le gars, là, il n'a rien fait de particulier. On a un événement écologique et intéressant et esthétique. Il n'y a pas d'intentionnalité là-dedans. Bon, c'est la même chose en ce qui concerne la mort d'un enfant, etc. On peut être initié par un événement, on peut être sauvé par un événement. Il n'y a pas d'intentionnalité là-dedans. Quand une personne dit « C'est Dieu qui nous a envoyé ça pour nous aider. » Bon, ben si c'est Dieu, ça veut dire que Dieu est là. Oui, Dieu est là. Parfait. Fait que Dieu, il envoie toujours une affaire pour te sauver, puis 350 000 pour t'enrager. Parce que si Dieu est bon et correct, tout le reste, il va pas, là. Et c'est plus facile. On regarde les journaux, là. Remplissez un journal de Montréal de bonnes nouvelles, vous allez voir que si vous réussissez, là, vous allez avoir 1000 nouvelles de l'année. La mauvaise nouvelle, c'est que Québécois va être en faillite, personne ne va l'acheter. Peut-être que les gens l'achèteraient. Ça, c'est l'excuse psychologique qui fait qu'on pense que peut-être que les gens l'achèteraient. Parce que les gens, c'est pas con, des gens. Il y a des bons films. Jonathan Livingston, le gars est là. Quand le gars a sorti ça la première fois, il y a soit des 12 éditeurs. Aucun a voulu l'éditer. C'est idiot. Il y a un imprimeur qui s'est dit, OK. Puis après un mois, là, il en imprimait, puis ça décollait. Ils ont fait un film. Faire un film avec une histoire de moineau. Puis ça va tout bien là-dedans. Le film, là, il a fait courir le monde. La Love Story aussi, c'était bien. Histoire d'amour, même chose, puis il y en a plein. Non, le monde, les gens sont prêts à des choses qui sont correctes. Mais on pense toujours que, parce qu'ils s'écrètent plus, comme les films d'horreur, c'est les films les plus loués dans les clubs vidéo. Après les films de sexe, puis après ça, on descend dans les autres films. Oui. Mais combien de fois le même client reloue le même film d'horreur ou d'autres? Tu sais que c'est les films qui sortent le plus souvent, mais est-ce que c'est les films qui touchent le plus de population? Une autre question. Simon, les nuages ou les films que les Québécois ont fait dernièrement, les contes pour tous. Il y en a qui en ont fait courir du monde. La guerre des tucs, bac et bottine, etc. Là, Fierro, l'été des secrets, c'est pas des films qui vont mal. Putain, il y a eu du monde, là. Des scènes des enfants, non, c'est pas juste des enfants. Puis les enfants, films d'horreur, ils vont voir ça aussi sur leur enfant. Non, l'humain est prêt. Sauf que, regarde sa planète, puis il a pas parlé de bonnes choses, là. Pas grand-chose. Il y en a, mais comparativement aux autres, là, moi, journaliste, je me casse pas la tête, hein. Tu sais, il y a un accident, bang, tu prends toute la photo du coin de la rue, ce qui a rien, clique. Puis là, tu dis, il s'est rien passé, quoi, de Jean Talon, et. Mais l'humain, pourquoi l'humain achètera pas ça? Parce que l'humain, il sait qu'il s'est passé plein d'affaires ailleurs, donc tu caches. C'est juste ça. C'est pas parce qu'il veut vivre l'horreur, l'humain. Parce qu'il a l'impression que c'est pas vrai. C'est juste pour ça. Il veut lire. Tu sais, il y a eu un gros accident, là, puis les personnes s'en sortent bien, etc. L'émission Urgence qui passe de temps en temps à TQS, il y a du monde qui écoute ça. Ça finit toujours bien. Ben, il y a du monde qui aime ça écouter ça. Parce que ça finit bien. De tout un paquet de monde qui risque leur vie ou qui. Tout l'argent social qui est investi dans un système d'hélicoptère ambulance, par exemple, pour aller chercher un individu une fois par X, pour lui sauver la vie. Mais ça, c'est une société intelligente. Il y a des lacunes. C'est brillant. Mais là, les gens écoutent ça. Il n'y a aucun problème. Ah, il y en a qui écoutent 9-1. Okay. Il y en a qui écoutent Urgence. Une personne se trouve à avoir une maladie de sang, absence de plaquettes. Elle a été informée sous hypnose qu'elle s'est fait jeter un sort. Que peut-elle faire? Premièrement, elle a pu voir cet hypnologue. Parce qu'en hypnose, on peut se faire jeter des sorts. La sorcellerie, les sortilèges, c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui existe, qui est correct. Je parle mécaniquement. Les individus ont de la difficulté souvent à croire à ça parce que plus un être humain devient cartésien, plus un être humain devient mental, moins ces phénomènes-là ont d'effet, sauf s'ils sont manipulés par des êtres extrêmement connaisseurs des stratégies. Il y a des personnes, souvent, il y en a plusieurs. Il y a eu un reportage National Geographic à un moment donné, des individus qui ont été en Haïti pour aller démontrer que le vaudou, c'était pas si pire que ça. Ben, ils sont venus super organisés. Bon. Il y en a qui ont été drogués, il y a eu ci, il y a eu ça. Ah oui, mais c'est des drogues qui font. Oui, c'est des drogues, non seulement. C'est des drogues, t'as des drogues qui sont psychotropes, t'as un paquet de drogues, mais à un moment donné, l'individu, il se sent carrément habité. Il y avait une femme là-dedans, puis elle se sent violée, même quand elle marche, elle est toujours ramassée. Alors, c'est beau d'être une drogue, t'es plus drogué rien, là. Ça fait 6 mois, ça fait 1 an, puis aux mêmes heures, à chaque fois, tu te fais ramasser. Il y a des mécaniques, évidemment, de magie blanche qui peuvent permettre d'aider ces choses-là, mais c'est toujours compliqué. Mais ça fait partie, ça, encore de l'héritage de l'ère ancienne, de l'ère du poisson, de l'ère pycéenne. L'humain, ça fonctionne, évidemment. La majorité des phénomènes psychologiques problématiques sont reliés à des mécaniques style de possession. Avant, on exorcisait, ça fonctionnait de temps en temps, mais souvent, l'exorciseur, à un moment donné, serait aussi malade comme l'autre. C'est d'ailleurs la problématique de toutes les maladies qu'on guérit par magnétisme ou ces choses-là. Le magnétiseur finit toujours par mourir des maladies de ceux qui a guéri. Le choc en retour. Alors, effectivement, il y a des mécaniques comme ça. La personne, ce qu'elle peut faire, dépendamment de sa conscientisation, mais on revient toujours à la même chose. En ce qui me concerne, moi, donner les recettes, ça ne me tente pas. Les recettes traditionnelles qui travaillent les symptômes résiduels de la conscientisation, j'aime autant que l'individu se serve de ce qui l'entoure pour avancer. La personne, tout ce qu'elle a à faire, simplement, c'est de se centrer sur elle, de rester ce qu'elle est elle, de développer ce qu'elle est elle. Puis comme je le dis souvent, n'importe quelle maladie ou événement particulier qui nous arrive peut facilement servir de baromètre à quelque chose qu'on a. On prendrait par exemple la technique du fasciolata qui permet d'évaluer les caractéristiques, très précisément les caractéristiques de l'ego, comment l'ego s'inscrit dans le corps physique. Puis on pourrait probablement découvrir que cette personne-là, elle a telle problématique au niveau de la psychologie. Et c'est la faiblesse qui sert au sort qui lui a été jeté pour que ça fonctionne. Alors, si la personne change cette particularité-là, le sort ne peut pas être opérationnel. Donc, c'est préférable que la personne travaille sur elle, qu'elle s'étudie un peu plus, puis ça va finir par fonctionner. En attendant, la médecine traditionnelle peut la supporter, ou la médecine naturelle, en tout cas, ce qu'elle peut supporter pourra peut-être la supporter. Mais elle devra simplement travailler sur des conditions qui sont sur elle. Là, j'expliquais dans une conférence sur le processus du miracle qu'on peut facilement créer un lien énergétique entre une mécanique qui arrive et ce que nous vivons. Puis quand on règle la mécanique par voie réflexe, pas réflexe neuronique, l'extérieur change. À un moment donné, je vous parlerai de certaines petites choses qui sont présentement à l'essai. Il y a des individus, par exemple, qui ont... Leur automobile fonctionne toujours avec des problèmes. Et puis, à un moment donné, après petite étude, on finit par décoder que probablement que tel problème d'automobile, là, ça peut ressembler, il peut y avoir un lien entre telle mécanique que tu vis psychologiquement. Il n'y a pas de lien. Mais là, on va en créer un lien, nous autres. Et on se rend compte que quand la personne règle ses bebelles, ben l'automobile cesse de casser là. Puis j'expliquais que ça n'a aucun sens, cartésiennement parlant. Ça n'a rien à voir. Il y a des individus qui sont dans des états psychologiques, à un moment donné, ils vont y réussir des transactions d'affaires de façon géniale. Puis quand un autre problème, une transaction ne fonctionne pas, l'individu qui t'a signé un contrat, un accident de taux, il est malade, il se passe. Puis là, tu peux passer une partie de 6 mois, 1 an de ta vie d'affaires où tout est bizarrement organisé. Mais là, on va créer un lien entre ça et quelque chose fouille chez toi. Puis après, certains, il y a une façon de chercher, puis là, l'individu centre quelque chose. Puis quand il commence à le régler, les choses commencent à s'aligner. On parlait de l'exemple du gars à la bourse. Lui, il faisait 50 000 par année à la bourse au début de l'année, en 2 semaines, 50 000. Le reste de l'année, il en faisait, il en perdait. S'il a pris des années à étudier, à un moment donné, il y a un psychologue qui a réussi à trouver que c'est parce que son père a fait énormément d'argent à la bourse, son père est devenu alcoolique, puis lui, il veut pas être alcoolique inconsciemment. Puis 50 000, c'est pas riche, fait qu'il s'autorise à faire 50 000. Mais là, ce que le gars a fait pendant des années, c'est qu'il a étudié ce qui fonctionnait, puis il le repliquait. Ça ne fonctionnait pas. Puis quand il a réglé ça, tout s'est mis à fonctionner. Mais c'est ça. Il y avait un lien que le gars avait fait entre une mécanique psychologique et ça. Est-ce que ça signifiait ça? On s'en balance. On crée des liens. Les liens ne sont pas toujours là. Mais le gars a réglé ça, puis tout s'est mis à fonctionner. Le gars n'a rien changé dans sa façon de faire. Mais le gars fait plus d'argent. Il a payé le psychologue. Qu'est-ce qui cause nos émotions? Très rapidement, l'émotion, c'est une expérience intra-amique. C'est-tu correct? Ouais. Tu viens plus? On va dire que l'humain a une âme. T'es j'ai ici des exemples avec un verre d'eau. Ouais, fais-toi ça, t'en pas. Il va tomber sur ton bord. Psychologie veut dire, théoriquement, on va dire science qui étudie pour logie, là, mais en réalité, c'est le logos, c'est l'étude des mécaniques. Qui ont été nommés, hein, c'est bon. Science qui étudie la psychose, psychose, ça veut dire âme. Donc, la psychologie, c'est la science qui étudie l'âme. On dit que l'âme, c'est le contenant qui est ici. N'est-ce pas? Alors, l'âme, progressivement, se remplit d'informations résiduelles qui sont les mémoires volatiles dans mon langage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez en mémoire volatile tout ce que la salle contient. Si on vous demande de vous en rappeler, vous allez peut-être avoir de la difficulté, mais si on vous hypnotise, on va être capable de trouver. Donc, vous l'avez en mémoire. Et à l'intérieur, il y a l'ego, qui est de la glace. C'est-à-dire que ce sont des mémoires, comme l'eau, cristallisées, condensées, identifiées. On va dire égoïsées. Nécessairement, ce sont des petites étapes, des choses qu'on explique surtout au niveau du séminaire, parce qu'on a plus de temps, mais on va considérer qu'on laisse faire comment ça se crée, et là, vous avez une âme. Il y a donc de l'ego, il y a de l'eau, les mémoires volatiles. Une expérience, c'est quelque chose. Alors, vous avez quelqu'un qui arrive avec un bras coupé. Côté de vous. Il ne saigne pas, là, mais c'est un manchot. Il arrive à côté de vous. Vous le percevez oculairement, bon, etc. Ça, je passe des petits détails. Ça arrive jusqu'à l'enveloppe de l'âme, qu'on appelle le périsprit. Et l'information pénètre à l'intérieur. Puis là, vous allez être capable, égoïquement, de reconnaître ce que c'est. Mais en pénétrant l'information, elle remue. C'est comme c'est une onde. Ça remue l'eau. Ça pénètre dedans. Ça crée un remous là-dedans. Mais le remous là-dedans, c'est ce qu'on appelle l'expérience intra-amique. C'est ce qu'on appelle l'émotion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus ça rentre violemment, plus l'émotion sera grosse. Et plus ça rentre doucement, plus l'émotion est petite. Alors, qu'est-ce qui crée les émotions? Qu'est-ce qui cause les émotions? C'est uniquement parce qu'on a de l'ego. On a un ego qui contient des mémoires volatiles. C'est perturbable. Et chaque fois qu'on vit quelque chose, quand l'information pénètre chez nous, au niveau de l'ego, nécessairement, ça crée une perturbation dans les mémoires volatiles, les mémoires qui ne sont pas centrées sur nous. Et c'est ce qu'on appelle l'émotion. Où sont toutes les personnes du passé? Sont-elles au ciel, en nous, ou vivent-elles sur d'autres planètes pour connaître les merveilles de la création? Bon, ben là, asseyez-vous. Les personnes du passé sont actuellement dans le passé. Bon, c'est bien. Intéressant. Ça veut dire que le passé est présent maintenant. Hein? On sait que le passé n'existe pas. Hein? Dans le passé, c'était pas du passé. Si on s'appelle les choses du passé, on s'en rappelle tout de suite, c'est que le passé est tout de suite là. Il n'y a pas d'été, c'est le passé qui se porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que présentement, puis là, je pourrais encore une fois parler un peu d'astrophysique, puisque les astrophysiciens découvrent de plus en plus sur la mécanique du temps. Je vais vous expliquer. Il m'a donné qu'il a envoyé le gros télescope en orbite pour essayer de voir 15 milliards d'années dans le passé. Ah, bon, c'est pour ça que les autres, ils veulent voir dans le passé, puis plus ils peuvent voir loin, plus ils voient dans le passé, ils voulaient voir la création de l'univers. Ils savent, en astrophysique, que le temps est une quantité d'espace, puis que l'espace est une quantité de temps, que tout ça, c'est une illusion. Alors, considérons uniquement brièvement que les êtres du passé vivent actuellement, mais ils vivent actuellement dans leur temps, dans leur passé. On peut appeler ça des mondes parallèles, ils vivent actuellement, présentement, dans leur passé. Autrement dit, je lève la main, puis là, je suis encore en train de lever la main, puis je la lèverai sans arrêt ma main, puis je la lèverai éternellement ma main. Sauf que ma conscience chemine à travers des photos du temps, puis ma conscience, elle voit photo sur photo sur photo. Exactement comme vous passez un fil, une bobine. Alors, oui, mais les images qui sont passées sont où? Sont toutes là, instantanément, dans le présent, mais tu ne les vois pas. Pour être capable de voir tout le film, tu devras cheminer dans le temps, apparemment. En réalité, tu devras simplement passer image après image pour voir le film s'animer. Mais les images de futur sont là, dans le présent. Les images du passé sont là, dans le présent. Mais notre conscience voit une image à la fois, au 24 à la seconde, ce qui nous donne l'impression d'animation, mais tout est là en même temps. C'est ce qui arrive présentement. Et puis, on pourrait encore continuer longtemps sur la mécanique des réincarnations, tout ça complet à travers la lignée, là. Mais le temps, c'est pas une question de passé, de futur, d'avenir. Moi, je réincarne des mémoires du passé, vous aussi. Et nous réincarnons en majorité tous des mémoires de l'avenir. C'est ce qui nous attire vers ces futurs possibles, c'est ce qui nous attire, c'est ce qui fait prendre conscience de temps en temps qu'on n'est peut-être pas sur la bonne planète, bon, on est sur la bonne planète, mais on réincarne autant de l'avenir que du passé, puis ça se réincarne 24 heures sur 24 chez nous, donc ça nous transforme aussi. Fait que les êtres du passé sont encore en train de se faire la guerre ou de se faire l'amour. Et... Comment faire un voyage astral? Vous allongez dans un lit confortable. Est-ce qu'il y a une agence de voyage qui s'appelle Voyage Astral? On a déjà voulu annoncer ça comme ça. Voyager sur les ailes d'air astral. Vous irez en Afrique, ça ne coûtera rien. Il n'y a pas de danger, là. Et puis là, fermez vos yeux. Afrique, Londres, Égypte, Chine... Dans la même journée. Ah oui. L'une. Et puis, vous fermez vos trois petits yeux. Et puis, vous relaxez. Et puis, à un moment donné, vous allez vous endormir. Vous allez commencer à rêver. C'est un voyage astral. Bon. Premièrement. Le voyage astral, c'est une extra-conscientisation du corps astral. C'est-à-dire que notre conscience sort à l'extérieur de son système neuronique ou endocrinien. Bon, et puis ça peut être dans l'atmosphère. Fait qu'on peut se voir. Ça peut être dans les murs. Ça peut être... etc. Pour faire un voyage astral, la meilleure technique, évidemment, c'est... En passant, un voyage astral, ça peut être dangereux. C'est intéressant. L'humain est bien mieux quand il est réveillé et quand il est conscient que quand il s'en va se triper dans l'astral. On fait des rêves. Le seul avantage du voyage astral, c'est quand tu fais un cauchemar, ben là, il y a un gros monstre qui arrive, il faut t'écraser. Puis là, toi, ben, tu deviens plus gros que le monstre, puis tu l'écrases. C'est du contrôle. Puis là, tu grossis encore, puis du coup, tu l'écrases. C'est intéressant. Sans ça, c'est pas... Quand vous vous couchez, vous allez, à un moment donné, venir juste pour dormir. Puis juste quand vous venez pour dormir, si vous êtes juste conscient, vous allez découvrir que votre corps dort, puis que vous ne dormez pas. Vous allez réellement savoir que votre corps, il dort. Puis là, vous allez commencer à vivre des impressions particulières, et puis la majorité des gens ont peur à ce niveau-là, parce que c'est nouveau, l'ego, tout vous parle du neuf, l'ego, c'est de la mémoire. Et puis, à un moment donné, ben là, il va se passer petite chose. Il y a des personnes, de temps en temps, qui viennent pour s'endormir, des coups, ils se réveillent bien vite, là. Ils tombaient. Ben oui, le corps astral commençait à s'en aller, puis là, il est revenu bien vite dans le corps physique. Fait qu'il y a des personnes qui tombaient. Puis, petite chose comme ça. Mais pour faire un voyage astral, la meilleure technique, c'est ça. Il y a des techniques progressives qu'on peut prendre. Il y a certaines librairies qui vendent des livres dessus, ou des livres audio, des cassettes. Mais encore une fois, moi, personnellement, je considère qu'on a bien d'autres choses à faire que de développer la technologie du voyage astral. Bien, quand tu vas fouiller dans les annales akashiques, c'est pas un voyage astral? Non, je fouille directement. Mais le voyage astral, le danger qu'il y a, c'est que dans l'astral, c'est de la mémoire. L'astral, c'est de la mémoire. Alors, partez en astral, par exemple, vous allez voir quelqu'un voir ce qui compte de vous autres. Mais là, vous allez peut-être arriver dans la mémoire de ce que les gens ont dit de la discussion, ou ce que les gens ont pensé de la discussion. Vous ne saurez jamais si ce que vous voyez est authentique ou totalement faux. Il y en a qui, en voyage astral, ont été voir dans le passé pour rencontrer le Nazaréen. Mais c'était un drogué, homosexuel. C'est pour ça qu'il n'y a aucune femme parmi ses disciples. Puis ça prenait de la Marie, puis on est dans les drogues de l'époque. Il y en a un autre qui est allé voir. Il a les cheveux courts. Il n'y a pas de barbe. La Marie-Madeleine, dans le temps. La Marie-Madeleine, il fumait la Marie-Madeleine. T'allais en Égypte, puis ces choses-là. Il y en a d'autres qui ont vu le Nazaréen tel qu'on le voit dans les films. Avec la grande barbe, la face plus ou moins patibulaire, avec pas trop d'expression dedans, puis des yeux qui... Bon. Mais qu'est-ce que les gens te voient? Ben, les gens voient que ceux qui détestent le Nazaréen, ben on dit des choses. La personne, ça se ramasse là-dedans, mais... Hein? Il y a plusieurs médiums qui ont fait des voyages astro pour découvrir ce qu'il y avait. Il y avait un temple secret en dessous du Sphinx. Ils ont creusé en dessous du Sphinx, ils n'ont jamais rien trouvé. Non, le temple est construit dans l'astral. Il n'existait pas dans la matière. Les gens, ils trouvent, quand ils font des voyages astro, ils trouvent. Edgar Cayce, il a vu des cossins, puis n'importe quoi comme ça. Voyage astral, là, c'est le voyage de l'illusion. Si on le sait, c'est correct. Pour s'amuser. Quand on n'a pas réussi à trouver à louer le film qu'on voulait, là. Mais c'est pas... mais comment on le fait? On fait comme ça, là. Juste avant de dormir, là, on dort pas. Je connais un papillon qui aimerait bien faire un tour dans Mercedes. Comment s'y prendre? C'est strictement pour le plaisir de goûter au luxe de l'auto, bien sûr. Ah, ben c'est simple. Vous allez vous habiller proprement. Vous allez voir un concessionnaire Mercedes. Vous faites qu'on vous le convainquez que vous en achetez une. Là, vous voulez faire un dessin. Là, vous partez l'essayer, puis vous trouvez que c'est cheap. Vous l'achetez pas. J'aime pas la couleur. Vous savez, les Mercedes, les grosses maisons, etc., c'est... La matière, elle est là pour supporter la valeur énergétique de l'humain. Okay? Quand un humain décide de vivre au-dessus de ses moyens, ça devient dangereux, parce que là, l'humain essaie d'engendrer une structure matérielle pour essayer après ça de grimper dessus. Psychologiquement, il ne pourra pas supporter le poids, puis ça va devenir du pouvoir, ce ne sera pas de la puissance. Il ne pourra pas être régi par l'intelligence. Une personne, à un moment donné, qui va s'acheter une robe ou un veston, un complet à 2, 3, 4 000 $ si la personne financièrement peut se le payer, à un moment donné, ça devient évident qu'il faut qu'elle le fasse parce que la matière doit supporter ce qu'elle est, elle, endoformiquement, ce qu'elle est, elle, en termes d'énergie. Ce n'est pas du luxe, c'est de la logique. C'est logique, c'est correct. Mais l'individu qui n'a pas encore énergétiquement la puissance d'aller chercher une matière particulière ne doit pas vivre en haut de ses moyens. Là, il est comme un parvenu. Je ne dis pas que la personne ici faire un tour de Mercedes, c'est pas tel que comme un parvenu, mais par contre, il y a un petit danger. C'est comme aller rêver d'une chose qu'on n'aura jamais. Mais... Puis on peut aller faire un tour chez un concessionnaire et lui expliquer. Il va nous faire un petit tour. Et du bon monde! Ah, mais c'est frappant! Alors, allez voir un concessionnaire et dites-leur, écoutez, monsieur, j'aimerais bien ça, juste faire un tour en Mercedes. Pensez-vous pourriez me faire un petit tour du bloc? Allez voir, il y a du bon monde sur la planète. Ah, il va être bien surpris, il va avoir de quoi compter sa femme à soir ou à son mari à soir. OK, c'est correct. Mais l'humain a bien peur, hein, d'essayer des petites choses. Mais la Mercedes, la Rolls-Royce, ces choses-là, c'est pour supporter la matière. À un moment donné, de toute façon, c'est évident que les personnes qui se conscientisent, à un moment donné, vont apprendre à monnayer leur intelligence. C'est évident qu'au niveau de la matière, les choses vont se placer facilement. Ils vont avoir le temps, l'argent, et donc ils pourront avoir la santé, ils pourront avoir le temps de s'occuper d'eux, etc. Mais au fur et à mesure, premièrement, les personnes doivent se sevrer, se débarrasser de la sempiternelle problématique de l'argent. Yvon Deschamps disait que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il rend le malheur mauditement confortable. C'est pas une question de faire le bonheur. Qu'est-ce qui fait le bonheur? Le mariage, ça fait-tu le bonheur? Avoir des enfants, ça fait le bonheur? S'acheter une automobile, ça fait le bonheur? Avoir de l'argent, ça fait le bonheur? Être pauvre, est-ce que ça fait le bonheur? C'est une question d'état. C'est pas une question de l'entourage. Mais pourquoi faudrait qu'on passe notre temps à chasser l'hiver pour manger? Pourquoi faudrait qu'on passe notre temps à rouler dans un automobile et goûter tout gelé, puis tu t'en vas, puis t'as froid? Ça devient une... L'humain est harmonisé à ces choses-là. Alors, progressivement, on augmente les choses. C'est pas une question de vouloir être pauvre. J'ai déjà dit souvent qu'être pauvre, c'est quasiment un péché. Parce que la personne ne peut pas étudier, la personne ne peut pas s'émanciper, la personne peut être stressée, la personne est ramassable par les dettes, donc est manipulable à 100 000 $ La personne ne peut pas aller les mettre prises. Donc, puis c'est pas la faute des individus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que de l'argent, c'est de la vie. Quand vous travaillez, vous avez de l'argent. Pas de l'argent. C'est votre vie. Vous avez pris du temps de votre vie et de votre énergie pour avoir ça. Pas un instant. Vous achetez quelque chose avec ça, on fait attention à la chose. Pas parce qu'on est matériel, parce qu'on a on s'aime. Alors, nécessairement, je fais attention à mes verres. Il y en a un qui est cassé. J'ai ma poubelle. Fini, là. Mais je fais attention à mon verre quand même. Je n'ai pas de problème quand il est brisé. Je suis détaché, mais je m'en fous pas. Mais on entretient les petites choses. Alors, la valeur monétaire, c'est extrêmement important. Les Québécois, surtout, ont encore de la difficulté à comprendre. Allez aux États-Unis, là, puis vous êtes riche, puis montrez-le. Tout le monde vous rase. Allez au Québec, vous êtes riche, montrez-le. Montrez-le pas trop longtemps, vous allez perdre bien du monde. Mais ça change, ça change. Pas pour montrer sa richesse. Il y a une nuance entre pavaner puis être ajusté à ce qu'on est. Il y a une grosse nuance. Tout le Mercedes, allez voir le concessionnaire, là, puis... Ma famille m'annonce hier que mon père est très malade d'un cancer du sein. Il y a 5 ans que je n'ai pas de contact avec eux. Je dois aller voir mon père demain. Au téléphone, j'ai vu que rien n'avait changé entre moi et eux, mais c'est écologique d'aller le voir. J'ai peur de devoir renouer avec eux comme avant. On dirait que l'énergie est la même. Se peut-il que je retombe dans le même pattern? J'ai peur. Pourquoi à ce moment-ci? Tout est possible. Vous pouvez retomber, vous pouvez ne pas retomber. Mais la personne qui a bu pendant longtemps, qui subitement doit aller chercher son frère ou sa sœur à taverne, a peur en maudit. Soyez vous autres. Soyez centrés dans votre intelligence. Votre famille, là, il y a des problèmes avec la famille, mais chaque être humain est absolument génial. Il faut trouver. Allez pas trouver, mais... C'est pas une question d'avoir peur. Allez-y. De toute façon, la peur, c'est une des mécaniques que l'humain va devoir apprendre à transcender. La peur, c'est la projection de ce qui ne va pas chez nous. La nuit, on a plus peur parce que notre champ d'énergie vitale s'expand plus, puis on projette plus ce qu'on est. Quand il y a plus de choses autour de nous autres, on perçoit tout, puis on a peur. Même chose pour un paquet de situations. C'est écologique d'y aller. Vous considérez que c'est écologique d'y aller. Alors, vous y allez. Vous ne pouvez pas y aller. Allez-y pas. Puis culpabilisez-vous pas en plus. Il faut faciliter les choses. Vous ne pouvez pas y aller, c'est parce qu'il y a des engrammes, des problématiques chez vous qui vous empêchent d'y aller. Ce n'est pas votre faute. Quand je dis que l'humain est manipulé, c'est ça. Vous y allez, et puis vous êtes aristocrate, vous êtes correct, etc. Ben, c'est correct. Vous y allez, vous recommencez les problèmes d'avant. Ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Prenez conscience, quand j'expliquais de certaines mécaniques merdiques qui contrôlent l'humain. C'est pas la famille, puis c'est pas, etc. Mais vous avez juste peur de ne pas être à la hauteur de votre situation. C'est comme je dis souvent à des personnes qui m'entourent. De temps en temps, allez faire un tour chez les Krishna. T'es quand un témoin de Jéhovah vient chez vous, là. Faites de rentrer. Pas pour le niaiser. Pas discuter avec. Il y a toujours des petites choses qu'on oublie à un moment donné, là, qu'eux autres, là, c'est leur créneau, ça, là. Ils viennent te les rappeler. Puis tu discutes, puis c'est intéressant. Puis quand tu n'as fini, ben là, tu lui expliques. Il va comprendre. Il va s'en aller. Ah, il va te laisser 3-4 pamphlets. C'est correct. Si t'es pour les jeter, dis-lui, non, je vais les jeter. Ça coûte cher à imprimer. Gardez-le, donnez-le à quelqu'un qui en aurait besoin. T'sais, soyez écologique, là. Transparent en même temps. Mais il y a des personnes qui ont peur. Ah oui, mais d'un coup, là, qui manque guirlande, puis... Voyons donc, c'est rester centré sur vous-même. Si vous avez peur de voir votre famille, de peur de retomber comme vous étiez, vous devriez avoir peur de venir à mes conférences, de peur de vous faire fourrer. Parce que c'est pas centré sur vous. Vous savez, c'est ça, il faut comprendre les mécaniques. Fait que c'est à vous de décider ce que vous allez faire, mais faites-vous confiance un peu. Puis je dis souvent à des gens, à un moment donné, tu te fais avoir. Une semaine, deux semaines, trois semaines, après ça, c'est réglé. Okay, mais de toute façon, on n'aura pas, puis allons-y. Y a-t-il une initiation lunaire noire et une blanche? Non. Par contre, plus vous allez résister égoïquement à ce qui vous arrive, plus vous allez vouloir contrôler, puis prouver, puis etc., plus l'initiation lunaire va être longue et pénible, donc elle se noircit. L'initiation solaire, c'est la même chose. Résistez pas. C'est facile. Exactement comme par exemple, vous avez une crevaison. Ah, maudit, pourquoi ça m'arrive aujourd'hui? Là, vous résistez. Là, vous voulez pas que ce soit là. Mais là, vous allez souffrir. Vous allez avoir des problèmes. Vous allez chercher des morceaux. Vous allez peut-être perdre un boulon. Vous allez, bon, vous allez lire. Résistez pas. Une crevaison, ben, il y a une crevaison. Il manque de l'air. On va changer la roue. L'autre roue est vide. Ah! Tu vois, je le savais qu'il fallait que je m'ordonne puis que je répare ma dernière crevaison. Je le savais. Je le savais. Tu sors ton pouce, puis relax. Mais après ça, organise-toi. Mais là, tout le reste sert à rien. Sinon, l'initiation lunaire, lentement, devient une pleine lune. Ben, lentement, ça va vers la nouvelle lune. Là, il n'y a plus de lune, c'est tout, plus rien. Mais c'est l'humain. Hier, on a assis un nouvel employé à côté de moi. Son énergie ne m'allait pas du tout et je n'arrivais pas à savoir pourquoi. Mes mains sont devenues moites et je suis allé jusqu'à trembler. Est-ce les sens vitaux et la sensibilité, puisqu'après avoir mis une autre personne à ma place, cette personne semblait ne rien voir? Quelle est cette énergie qu'il dégageait qui était si... pas quoi, pour que j'entrame. Tant mieux. Si forte pour que j'entrame. Premièrement, je dis souvent que plus les individus se conscientisent, plus ils deviennent sensibles. Donc, à un moment donné, ils peuvent être plus irritables, plus frustrables, plus écœurables. Et nécessairement, au niveau du corps physique, au niveau de l'énergie vitale, c'est un peu la même chose. Alors, peut-être que la personne, elle a simplement perçu quelque chose qui, dans ce que l'autre rayonne, vient heurter sa sensibilité. C'est quelque chose qui ressemble à elle, c'est quelque chose qui ressemble à quelqu'un qu'elle a connu, quelqu'un a eu des problèmes, c'est quelque chose, il y a un petit quelque chose. Puis, parce qu'elle est sensible, ben, il y a une espèce de synergie qui décolle à un moment donné, puis elle vit un paquet de choses chez elle. Ça ne veut pas dire qu'elle va vivre ça chaque fois qu'elle va être près de l'individu. C'est sûr que l'ego ayant expérimenté ça, il va déjà avoir une barrière psychologique de rencontrer l'individu. Il va déjà s'attendre à revivre la même chose. Mais c'est simplement ça. Les individus qui se conscientisent deviennent de plus en plus sensibles et nécessairement, il se passe des choses comme ça. Puis comme j'ai expliqué à un moment donné, la sensibilité, ça ne doit pas être un problème chez les personnes qui se conscientisent. On doit s'en servir, mais on va apprendre à contrôler. À un moment donné, vous allez peut-être pleurer plus facilement. Vous allez peut-être vous mettre en colère plus facilement. Vous allez peut-être être, comme je vous disais tout à l'heure, irrité ou frustré plus facilement. Uniquement parce qu'on découvre la sensibilité. La sensibilité, c'est exactement comme si avant, on n'entend presque pas avec nos oreilles. À un moment donné, on commence à entendre plus. Mais là, au début, c'est irritant pour le système nerveux. Puis à un moment donné, les oreilles et le cerveau vont s'arranger pour être capable de placer des atténuateurs. Parce que rendu en haut d'un certain décibel, l'oreille travaille totalement en deuxième vitesse. C'est extrêmement différent. Ça, on n'entend plus aussi bien. Puis là, on peut donc augmenter encore le volume. C'est pas d'ailleurs pourquoi, à un moment donné, vous roulez sur la route, vous allumez votre radio, elle est juste correcte pour vous. Le lendemain matin, quand vous embarquez dans l'auto, vous démarrez ça. Taparnouche, c'est bien fort. C'est ça. C'est parce que la veille, le système auditif, c'est lentement à atténuer le bruit. Puis quand vous le repartez le lendemain, bien là, évidemment, la nuit, il n'y a pas trop de bruit, absolument. À moins vous couchez à côté de. Je dirais pas son nom, là. Mais en tout cas, on a l'impression de coucher sur une fournaise, mais ça ronfle. Et le lendemain matin, ben là, c'est plus fort. Mais c'est un peu la même chose au niveau de la sensibilité. Les personnes doivent apprendre, doivent considérer ces choses-là. Et puis, à un moment donné, ça va se placer, mais il n'y a pas de problématique là, à chercher là. Lors du récent coup d'État en Russie, Gorbatchev fut-il en étroit... Un coup d'État en Russie? Je l'ai vu passer sur mon écran. Gorbatchev fut-il en étroit contact avec les intras? En très étroit contact avec Wall Street. Non, présentement, j'ai expliqué des mécaniques qui sont intéressantes, mais qui font partie du domaine de la théorie, évidemment, pour plusieurs personnes, puis c'est correct aussi comme ça. Faut pas croire tout ce que je dis. Vous savez, si je dis que le bonheur, c'est quelque chose qui se peut, c'est pas nécessaire qu'on me croit. Non, c'est vrai, on prend de l'information, puis après ça, on vit avec l'information qu'on a, puis c'est intéressant. À un moment donné, on sait quelque chose, c'est pas une question de croyance. Je crois qu'on auto va démarrer. C'est une croyance, c'est intéressant. Mais quand elle démarre, vous savez. Vous croyez plus, vous savez. Un jour, vous allez savoir ce que vous allez avoir besoin de savoir. Mikhail Gorbatchev, il est en relation surtout avec des mécaniques qui ont tendance présentement à reculer l'échéance planétaire où l'humain va faire un choix entre l'être ancien ou l'être nouveau. Alors, ça retarde. Le coup d'État, j'en ai déjà parlé, m'en donné en conférence, là, un an ou deux, où j'ai dit que tout était correct, mais il fallait s'attendre à ce qu'il y ait, à un moment donné, une possibilité de renversement du gouvernement par un coup d'État. Ça n'a pas été un coup d'éclat, leur affaire. En tout cas, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs mécaniques qui, présentement, ont tendance à atténuer énormément les choses. Les gens ont fait ça trop vite, leur coup d'État. Fait qu'en le faisant trop vite, ils sont pas assez préparés. Il y a une synchronicité qui va manquer par hasard. Et puis, ils se font voir. Mais il y a plusieurs petites choses comme ça qui arrivent, qui sont pas dans les prophéties. Parce que les prophètes, les autres, ils ont essayé. Mais le temps est... J'ai déjà expliqué qu'il y a des futurs possibles. Lequel qui s'en vient, ils sont tous là. Quand on en prend un, les autres ont jamais existé. Alors, c'est simplement, présentement, il y a des retardements au niveau des échéances. Moi, ça m'arrange, personnellement. Mais ça ne veut rien dire parce que... Mais sur un autre plan que le plan extraterrestre, il y a eu une partie d'échecs qui s'est jouée cette semaine. Absolument. Ah oui, ben là, c'est évident. Au niveau des écrans, ça jouait. Non. Les perturbations, c'est l'effet papillon. J'aime pas le papillon à Mercedes. Vous dites que quand je ne me parle pas moi-même, les autres voix ou sons ou images ne viennent pas de moi. Elles viennent d'où et de qui? De personne. Puis elles viennent de l'expérience cumulée des 30 derniers millions d'années à travers l'évolution historique de l'humanité. Voyez-vous, c'est que tout ce que l'on fait est enregistré mémoriellement. L'atmosphère, c'est ça le ciel derrière l'atmosphère. Hein? Ça part du centre de la Terre, ça va jusqu'au fin fond de la biosphère. La matière, elle enregistre. Le carbone, l'oxygène enregistre beaucoup plus l'émotivité, ça enregistre ces informations-là. C'est pourquoi, si vous rentrez dans une pièce où il y a une chicane, vous allez trouver que l'atmosphère n'est pas correcte, puis l'on nous fera errer. C'est pourquoi, aux Indes, par exemple, ben, les maîtres, les disciples payent, puis ils viennent s'asseoir à côté d'un maître, puis ils font rien. Une petite pièce. Ils respirent l'atmosphère du maître. Quand ils sortent, ils sont calmes, comme le maître, ils sont corrects. Tu sais, il y a des échanges comme ça qui se font. La matière, une cassette s'enregistre, les mémoires photoniques, c'est ça, sur des plaques photo. Puis la problématique, c'est qu'on n'a pas les appareils pour lire les impressions successives. Alors, on doit s'arranger pour avoir une comme pour la photographie. Un papier, ça en prend toutes les photos qu'il faut. Mais on n'a rien pour décoder. Alors, on prend un papier, on met quelque chose de particulier dessus, et puis on s'arrange pour l'exposer une fois. Puis après ça, il faut qu'on développe, il faut révéler, il faut l'organiser, il faut le fixer. Pourquoi le fixer? Pour que ça aise de prendre des photos, puis continuer à s'altérer. Puis après, on a une photo d'un événement, mais ça continue à prendre des photos, à la longue, la photo jaunit, puis etc. Les photons continuent à s'imprimer dessus. L'atmosphère, c'est exactement la même chose. L'être humain, depuis qu'il vit, depuis qu'il est là, depuis que des événements, depuis le refroidissement du contexte planétaire, il y a plus de 4 milliards d'années, tout ça s'est enregistré événementiellement parlant dans la matière. On sait que la CIA a présentement des appareils permettant d'enregistrer des conversations qui ont lieu jusqu'une semaine après dans certaines salles. C'est intéressant. Il ne faut pas qu'évidemment qu'il y ait eu trop de conversations par la suite. La matière s'enregistre tout. Et là, nous, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on est matériel, on est connecté par différentes mécaniques énergétiques au point de vue du plan vital, du plan astral, du plan mental, à cette matière-là. Et c'est tout ça au complet qui joue dans notre tête sans arrêt, qui se promène. C'est uniquement de l'information mémorielle. Les artistes vont communiquer ça. Certains vont être liés à leur intelligence, la majorité c'est au niveau du plan astral. L'astral, c'est le ciel, c'est le monde de la mort, c'est là que vont les âmes à leur mort. C'est simplement ça, c'est un vent. Il y a des personnes qui ont remarqué à un moment donné qu'ils ils partent de Montréal, puis il y a comme une atmosphère bizarre à Montréal, puis ils s'en vont à Saint-Hyacinthe. Puis le vent souffle vers l'est. Puis dans la nuit, le lendemain matin, c'est la même chose qu'à Montréal. Montréal en est dégagé, mais c'est l'atmosphère, c'est les molécules. Sur un champ de bataille, après une guerre, à part de sentir la poudre, on sent le malheur. Vous rentrez dans une église, l'atmosphère est différente. Les murs rayonnent quelque chose de différent. Vous rentrez dans un cimetière, ça va être différent. C'est sûr que l'interprétation psychologique va compter. Quelqu'un qui a peur des cimetières va avoir l'impression... Quelqu'un qui aime les cimetières va avoir l'impression une autre impression. Mais bandez-lui les yeux, puis amenez-le là ou là-bas, il va sentir une nuance. Il va interpréter à sa façon. Il va détecter la nuance. Alors, ça passe simplement comme ça, ça se déroule dans votre tête, simplement. Puis, encore une fois, c'est facile de vérifier si c'est vous qui pensez. Pensez une pomme. Visualisez-en deux. Après ça, en briquez l'une sur l'autre pour faire une pensée à trois dimensions. Faites tourner la pomme. Là, vous allez voir qu'il va falloir un crissi de pour arriver à faire ça. Parce que la pensée, on ne la contrôle pas, c'est pas nous autres. Puis encore mieux, quand vous vous couchez, c'est pour niaiser, pour dormir. Pour dormir, quand vous couchez, vous couchez, puis dormez. Vous allez voir qui contrôle la pensée. Puis après ça, si vous avez peur de quelque chose, n'ayez pas peur. Voulez-vous avoir peur? Ben non, n'ayez pas peur. C'est facile à dire. La peur nous habite. On ne contrôle pas. On peut apprendre à contrôler les mécaniques qui permettent à la peur de s'exprimer. Contrôle respiratoire, ça bloque les mécaniques réflexes d'expression endocrinienne. Mais on ne contrôle pas pas là. À un moment donné, l'humain n'aura plus peur parce que la pensée de peur ne sera plus chez lui. Ils ne sont plus bâtis pour exprimer la peur. Mais les personnes qui sont en colère à un moment donné, puis qui tiennent des coups de poing dans les murs, puis qui se fractionnent le poignet, là, ils se fracturent. Après ça, ils vont dire, ben, je sais pas ce qui m'a pris, ça, je me suis emporté. Je me suis laissé emporter. C'est plus fort que moi. Mes paroles ont dépassé ma pensée. C'est qui parlait pendant que tu n'étais pas là? C'est facile de voir. Qui nous manipule et pourquoi? Et le but de la vie sur Terre, est-ce d'arrêter cette manipulation? Non, le but de la vie sur Terre, c'est vaste, vaste. Il y a plusieurs fonctions. Il n'y a pas de but particulier. Grosso modo, l'humain est là pour... mélanger la matière et l'intelligence, la lumière. On peut dire résorber les systèmes créationnels. Ben, c'est compliqué à expliquer, c'est des choses qu'on voit un peu plus en séminaire. Mais encore une fois, qui nous manipule, ça, il n'y a pas de qui. Comme vous dites, c'est une condition qui est mécanique. Ça, à la longue, à force d'avoir des informations là-dedans, ben, il y a des mécaniques qui s'installent, il y a des harmonies, des harmoniques qui s'installent, il y a des égrégores qui s'installent, il y a des archétypes, des néotypes, il y a pas qu'à d'affaires compliquées. Le but de la vie sur Terre, il y a. On pourrait dire la finalité, puisque le but de la vie sur Terre. C'est uniquement de se créer un véhicule matériel qui va être capable de supporter de la conscience. Ça, c'est le but planétaire. C'est pas la finalité, c'est pas le but de la création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire créer un corps physique capable de supporter endocrinalement et neuroniquement de la conscience. Quand on va dans un endroit, par exemple, on va aller sur le Mato Grosso en Amazonie, et puis à un moment donné, on arrive là avec un hélicoptère dans un endroit où les indigènes, on n'a jamais vu, ne savent pas ce que c'est. On atterrit là avec un gros hélicoptère. Il y a plusieurs indigènes qui sont finis à vie. Leur structure neuronique et endocrinienne vient de péter, se sauter. Les plus solides vont peut-être penser que c'est des dieux, puis c'est ici, puis c'est ça. Parce qu'il faut qu'ils supportent d'une façon émotivo-psychologique ce qui arrive là. Sans ça, si ça ne l'explique pas, là, ils ne pourront pas rien, ils ne pourront plus supporter. La conscience, l'intelligence, c'est la même chose. À un moment donné, quand on commence à découvrir que l'humain là n'est pas ce qu'il pensait qu'il était, etc., c'est comme l'hélicoptère qui nous arrive sur la tête quand on n'a jamais pensé que l'humain peut voler. Alors, le corps physique, progressivement, c'est d'ailleurs pourquoi on a des émotions, c'est pourquoi on vit certaines petites choses comme ça, c'est pour renforcer le corps physique. Et le but planétaire, le but juste de la vie sur la planète Terre, c'est uniquement de créer à l'intelligence, c'est ce que nous sommes, on s'en rappelle plus trop parce qu'on est centré dans nos mémoires d'intelligence, de créer à l'intelligence un véhicule matériel pour être capable de faire la fusion entre tout ça. Là, c'est un résumé vraiment, là, c'est un ré. C'est pas un résumé. Là. Qu'est-ce qui fait qu'un être émet plus de lumière qu'un autre? Qu'est-ce que la lumière de l'homme? Quand il travaille pour Hydro-Québec, il y a un petit bonus, il y a un rabais. Lumière, on peut traduire ça aussi par charisme, on peut traduire ça par magnétisme, on peut traduire ça par plusieurs choses. Quand Jean-Paul II se pointe quelque part, ben, son charisme est relié à l'égrégore de la chrétienté et de tous les papes qui sont passés. Parce qu'avant d'être pape, charisme, il y en a un petit. Quand il est pape, charisme, il y en a un gros. Il se connecte à une autre source d'énergie. Le magnétisme, c'est un peu la même chose. Il y a des individus qui, par leur champ d'énergie vitale, sont capables de faire vibrer l'énergie vitale des autres. Alors, un individu rentre dans une réunion, puis tout le monde le remarque. Même si on continue à jaser après, la personne a un magnétisme, un charisme particulier. Plus une personne va être transparente, plus elle va rayonner. Hein? Il y a rayonner, puis il y a aussi réfléchir. Il y a plusieurs personnes qui réfléchissent de l'énergie, de la lumière. Puis il y en a qui rayonnent, ça part d'eux-mêmes, c'est rayonner. C'est pas leur bagage ou leur diplôme ou leur habit nécessairement. Alors, les individus qui dégagent plus, on va dire, de lumière, pour prendre le terme ici de la personne, sont des individus qui, au niveau de leur corps vital, ont un corps extrêmement puissant, pourraient donc être de très bons guérisseurs ou guérisseuses. Ou ce sont des individus qui sont en train de vivre une anégoïsation, donc ils vivent une fonte de l'ego, hein, anégoïsation. Alors, nécessairement, ils ont beaucoup plus d'énergie. L'énergie va sortir, ça transparaît. Et normalement, ce sont des personnes qui seront suffisamment transparentes avec elles-mêmes, donc nécessairement avec autrui. Ce sont des personnes qui seront dans un langage de plusieurs personnes qui voient ça ou qui vivent ça. Ces personnes-là sont plus belles. Ça n'a rien à voir avec les yeux, le nez, etc. Mais quand tu regardes la personne, il y a quelque chose qui... Ces personnes-là sont plus transparentes. Lentement, elles deviennent... Il y a une aristocratie particulière qui se forme. On ne parle toujours pas des aristocraties. Des aristocrates du passé qui n'étaient pas corrects. On parle de l'énergie aristocratique. Il y en a eu qui étaient corrects. Il y a tout un velouté qui se développe autour d'un individu qui se conscientise ou qui est suffisamment anégoïque au niveau de son âme. Même s'il n'a pas la conscience de tout ce qui se passe, si l'individu n'a pas un ego à pu finir, normalement, une personne sensible va avoir l'impression qu'elle dégage plus de lumière. Daniel, je suis sur le neutre. Je n'ai pas de questions. As-tu une réponse? Oui. C'est parce que... Es-tu sûr? Certain. C'est bien ça que je pensais. L'initiation lunaire est-elle comme une sorte de dépression temporaire? Oui, il y a plusieurs... Ça amène souvent ça chez la personne. Dépression temporaire. Dure une journée, un an, 10 ans. C'est pour la personne. De leur état, etc. Ça engendre souvent une dépression, mais ce n'est pas nécessaire que ce soit une dépression. Il y a une personne qui va dire, mais moi, je n'ai pas vécu d'initiation lunaire, d'abord, j'ai jamais été dépressif. Alors, moi, j'en ai jamais vécu, puis j'ai vécu une lunaire, puis j'ai vécu une solaire, puis j'ai jamais été dépressif. Mais souvent, comme tout à l'heure on expliquait, la personne la découvre subitement quelque chose. Maintenant, il y a plusieurs types de dépression. Dépression par manque d'énergie physique. Ça gruge dans le plan vital, ça gruge dans le plan psychologique, puis à un moment donné, l'ego n'a plus suffisamment de stimulation pour goûter à la vie. C'est pas une initiation lunaire. C'est une évolution lunaire. C'est un prototype de problématique lunaire. Il y a la dépression parce que c'est l'ego qui prend trop d'énergie puis il épuise le corps vital, donc le corps physique finit par manquer d'énergie lui aussi. Trop fatigué. C'est pas la même chose. Et la dépression dans le genre des illusions des dieux. Comme mon psychologue, là, qui vient de découvrir subitement que l'amour n'existait pas. Ça crée tellement de remous au niveau de son ego que pour se restructurer, il prend de l'énergie un peu partout, puis finalement, il n'arrive plus à gérer ses énergies. Donc, ça peut créer des dépressions. Mais encore une fois, il y a plusieurs personnes qui ne vivront pas de dépression, mais l'initiation lunaire, c'est quelque chose que tous les humains vont vivre. Et je répète encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a appris quelque chose qu'on a vécu l'initiation lunaire. Il y a une grosse différence entre avoir appris quelque chose puis à un moment donné découvrir ce qu'on a appris, c'est ça. Comme tout à l'heure, je vous disais, fumer, c'est pas bon pour la santé. Je le sais. Quand tu as un néo du poumon, un cancer du poumon, des choses comme ça, puis que là, tu conscientises que c'est compliqué, c'est problématique, là, maintenant, c'est différent. Tu as toujours su. Comme on dit encore, un jour, tu vas peut-être mourir. La journée que c'est peut-être en train d'arriver, là, tu conscientises la mécanique. Tu l'avais appris. Alors, il y a une différence. Il y a plusieurs personnes qui vont dire, ben oui, mais moi, je sais tout ça. Puis, j'ai pas vécu de dépression. Peut-être que vous n'en vivrez pas. Peut-être que vous avez vécu une initiation lunaire. Peut-être que vous allez en vivre une. C'est pas un problème. Ce que je vous dis simplement, c'est que si un jour ça arrive, là, quand on commence à regarder la vie et à trouver qu'on est trop intelligent pour le monde qui nous entoure, là, parce qu'on voit plein de choses que le cave là-bas, il voit pas, puis que l'imbécile ne le voit pas, etc., là, pensez que peut-être ce qu'il faudrait, c'est que vous ne vous preniez pas au sérieux, puis que vous vous centriez sur vous à la place. Puis vous allez voir que très lentement, les choses vont se replacer. Les individus ne deviendront pas plus brillants autour de vous. Vous allez comprendre des mécaniques. Vous allez comprendre qu'effectivement, c'est pas de la faute. C'est comme ça. Puis lentement, vous allez passer à l'initiation solaire, sur laquelle on va revenir la semaine prochaine. Les adolescents décrocheurs vivent-ils une initiation lunaire? Les décrocheurs... je le dis, les raccrocheurs en vivent une, mais... La majorité des décrocheurs, effectivement, vivent une initiation lunaire. Des illusions des dieux. Donc, des illusions face au système, des illusions face à leur avenir qu'ils ne croient pas possible. Des illusions face à la majorité de ce qui les entoure. Manque d'énergie, pas être capable de supporter la chose. Donc, dépression scolaire, dépression de la vie aussi, parce que on a... Les données statistiques nous donnaient 3 jeunes par jour qui se suicident au Canada. On a un problème sans tête. Si c'est pas au Québec... Et puis, les décrochages scolaires, c'est 1/2. Chez les gars, 1/3 chez les filles de le milieu secondaire. Et il y a effectivement une dépression, donc il y a une initiation lunaire à l'intérieur, parce que les jeunes, l'initiation lunaire, c'est pas une initiation lunaire d'ampleur, dépendamment évidemment de l'état psychologique des jeunes, mais c'est effectivement ce qui fait que ça les amène là. Parce que je vais étudier pour faire quoi? Il va y avoir une guerre nucléaire, tu sais. Et qu'il y en aille, qu'il n'y en aille pas. Puis je me rappelle toujours un jeune qui me disait à un moment donné, et moi j'y trouve drôle ceux qui ont peur de ça, parce qu'à un moment donné ils vont se pousser dans le bois à telle date là, parce qu'il va y avoir une guerre nucléaire. Puis 15 ans après, là, il va sortir du bois, il va se rendre compte qu'il n'y a jamais eu. Mais c'est ça, la dépression, des illusions des dieux, j'aurai pas d'emploi, ça va rien servir, à quoi ça me sert de ramasser de l'argent, puis tout un paquet de phénomènes, et c'est habituellement l'initiation lunaire. Une des plus merveilleuses initiations est de vivre en couple. Quand je lis là. Ok, c'est pas son opinion, hein? J'affirme rien, je lis. Arrive-t-on un jour à comprendre ce qu'on avait à comprendre du couple? Vous savez, le mot couple veut dire force. Hein? Un couple. En mécanique, un couple, c'est du couple, hein? C'est une puissance. Alors, effectivement, quand on vit en couple, ça tord. Ça marche pas là. Savez-vous, c'est quoi le problème du couple? En plus que l'autre comprend jamais rien, puis voilà, c'est quoi le problème du couple? Quand on est deux égaux, des égaux, pas de personnes égales, l'égo, c'est de la mémoire. Quand vous êtes jeune, vous n'en avez pas trop, à un moment donné, vous êtes médecin, puis là, quelqu'un dit, les médecins, c'est tous des épais. Alors là, vous vous sentez attaqué, votre égo s'identifie au phénomène médecin, parce qu'il s'est trop nourri de la mécanique médecin. Quand deux égaux se rencontrent, normalement, les égaux, c'est menteur. Un égo, c'est menteur, c'est une vraie farce. L'égo, là, il met plein de manteaux en avant. Il est ce qu'il veut que les gens pensent qu'il est, il est ce que les gens pensent qu'il est, puis il est ce qu'il est en réalité. Puis ça l'intéresse pas trop. Alors notre ego, il se pointe en avant, puis là, il fait la cour au début, il fait un paquet de choses qu'il fera pas toute sa vie, parce que c'est pas le genre à faire ça. Et puis, à un moment donné, on se minouche, etc., c'est intéressant. Hein? Tu te rappelles ces bonnes années-là? Et puis, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que les égos connaissent de plus en plus les problèmes, les faiblesses de l'ego de l'autre. Là, l'ego vibre que l'autre lui a menti, il a caché. T'as avoir su qu'il était bon. Alors, l'ego, les deux égos se connaissent. Puis quand deux égos se connaissent énormément, puis qu'ils sont liés affectivement, en plus d'être liés émotivement, bien nécessairement, ce qui arrive à un moment donné, c'est que ça crée des conflits, parce que chaque ego essaie de planter l'autre pour se protéger lui de ce que l'autre a vu. En tout cas, tellement sûr qu'il se promène. Alors, c'est ce qui fait que le couple devient problématique. Mais on devrait comprendre, quand on apprend certaines mécaniques à un moment donné, on devrait comprendre les choses. Si on vit en couple, puis l'autre, à un moment donné, il se met à gueuler, puis comme je dis souvent, la personne, elle dit, après t'avoir donné plein de bêtises, elle te défoulait comme il faut, là. Là, elle dit, écoute, c'est mon ego qui parlait, c'est, je me fais manipuler. Mais vous devriez dire, c'est vrai. Parce que, lui-même va dire, oh, c'est une bonne raison, si tu penses que tu vas t'en sortir comme ça. Non, mais c'est vrai, lui-même manipulé. Hein? On s'engueule, on s'engueule, on s'engueule, on se dit plein de bêtises, puis finalement, là, faites-vous kidnapper un ou l'autre, là. Puis, c'est pas de même, je veux traiter l'autre. Moi, c'est pas ça, je veux vivre avec mon conjoint, avec ma conjointe. C'est pas ça du tout. Ouais, mais il était paix, puis il est ci, puis il est ça. L'autre aussi, il vit les mêmes stimuli. L'humain veut pas vivre des problèmes. L'humain en aura le bol des problèmes. Sauf que l'ego a tellement peur qu'on le connaisse. On fait des jeux de vérité de temps en temps. On assoit quelqu'un quelque part, puis on est 15, là, puis on dit tout ce qu'on pense de lui. On a même inventé un nouveau jeu. Lui, on le met ailleurs. Il est pas là. Là, on se réunit, puis on parle de lui. Comme quand il est pas là. Là, il sait tout ce qu'on dit quand il est pas là. Là, on jase de lui, là. Ouais, si, vrai, mais il devrait. C'est plus pareil. Là, il sait ce qu'on dit. Et que les égos aiment pas ça. Au moins, du monde pointe, jugé, puis du monde qui. Non, non. Tout ce qu'il y a, c'est que l'ego est révélé. Puis on devrait pas avoir de problème parce que ma conjointe, moi, elle sait comment je suis. Fait qu'elle me le dise, qu'elle me le dise pas, elle le sait. Ben, autant qu'elle me le dise, je vais pouvoir m'en servir. C'est sûr, je vais lui dire, écoute, quand tu veux me le dire, là, arrache pas les stores verticaux pour me courir dans la maison avec. Dis-moi, là. C'est sûr que peut-être des fois, il faut un protocole parce qu'un ego, ça amène un ego. C'est non que son ego qui vient jaser, ça peut attirer le vôtre. Mais le couple, c'est comme des amis ou comme n'importe quoi. Et il faut qu'on... C'est évident, dans le couple, à un moment donné, le protocole du mensonge tombe un peu. Tu sais, tes bas qui traînent à terre, là. Je le sais, t'es très nul maintenant. Et réglé, tu sais. Je le sais, là. Bon. Puis la politique de porte dedans toujours ouverte à moitié. Je le sais, là, comment. Je le sais, là. T'sais, je le sais. Bon. Puis tu mets ton linge dans le fond du garde-robe quand il est sale, tu sais. Je le sais. On en sait des choses. On en sait des choses. Bon. Et puis, à un moment donné, ben là, ça crée des problèmes. Pourquoi? Parce que là, on sait plein de choses sur l'autre, puis on a peur qu'il en sache autant sur nous autres et que l'ego se protège, ça crée un paquet d'affaires. Non, ce qu'on devrait simplement faire, c'est continuer à apprendre. Entre amis, on va faire la même chose. Pourquoi vous pensez que les humains ont rarement de vrais amis? Parce que l'amitié, pour qu'elle résiste, il faut qu'on se connaisse pas trop. On peut se confier un petit peu, puis à un moment donné, ben là, on change d'amis, puis on en trouve un autre pour se confier. Mais, bon. Quand c'est moins. Ouais. Pourquoi les humains aiment ça, avoir des chiens, des chats, des choses comme ça? Ils peuvent se confier, puis jamais eux autres vont dire de quoi contre eux autres. Mais c'est vrai, on compte tout, etc. Puis oh, toi, tu me comprends. Oui, mais, bon, oui, bien, oui, il comprend, il comprend. Tant que tu me donnes la bouffe, moi, je suis bien prêt de comprendre. Vivre en couple, c'est pas... C'est correct. C'est sûr que c'est une grosse initiation, puis c'est souvent solaire. Puissant à vivre en couple. Mais c'est, les personnes doivent s'en servir. Hein? Peut-être qu'un jour, c'est mieux de se séparer, c'est possible. Mais habituellement, on est drôlement mieux de rester encore ensemble parce que si on se sépare, c'est parce qu'on n'est pas correct. Quand on va s'aligner avec un autre, là, on risque de recommencer dans 3 ans, 4 ans, 5 ans avec les mêmes crimes de problème. C'était la première question qui était trop longue à répondre au début. Comment se défaire de la possession? Ah, ben, garde la musique, on reviendra là-dessus. La semaine prochaine, mettre fin à l'initiation solaire. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine.